نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons le deuxième cours concernant cette risale مذكرة في العقيدة للشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى. Donc il nous dit حفظه الله ومعنى الشرط الأول أعني الإخلاص وهو أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الرياء والسمعة لا يبتغي بذلك من أحد جزاء ولا شكورا والنصوص الواردة في ذلك كثيرة منها قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقوله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Et la signification, la définition de la première condition, je veux dire par là la sincérité, c'est que celui qui agit, celui qui accomplit cette action, il recherche par là son objectif et avec son action d'atteindre la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, loin de toute forme d'ostentation ou de recherche d'une quelconque éloge ou d'une belle parole dite à son encontre. Il ne veut en cela aucune récompense, aucune rétribution, ni remerciement. Et les preuves, les arguments rapportés à ce sujet sont nombreux, parmi lesquels la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset, adore donc Allah sincèrement, à lui appartient la religion. Et la parole d'Allah le Très-Haut, dans le sens du verset, et recherche dans ce qu'Allah t'a donné, la demeure finale, la dernière demeure, sans oublier ta part de ce bas monde, et sois bon comme Allah a été bon envers toi. Wa min as-sunnah qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith al-qudsi fima yarwihi 'an rabbi 'azza wa jall innahu qala أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم في صحيحه رحمه الله. Et parmi les preuves de la sunna, il y a le hadith à thème divin Qudsi du prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il dit d'après son Seigneur عز وجل qu'il dit je suis celui qui a le moins besoin, celui qui est le plus riche, c'est-à-dire qu'il a besoin de personne comme associé, celui qui fait une action dans laquelle il associe avec moi, autre que moi, je le délaisse et son polythéisme. Rapporté par Muslim dans son authentique. « وَإِذَنْ فَالْإِخْلَاصُ لَا يَتَأَتَّى مَعَ الشِّرْكِ أَوِ الرِّيَاءِ أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. Donc la sincérité ne peut avoir lieu lorsqu'elle est accompagnée de polythéisme ou d'ostentation ou de vouloir ou de, d'avoir comme objectif, la personne a là comme objectif avec son action une chose de ce bas monde. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, certes les œuvres ne valent que par leur intention. Il y a chacun ce pourquoi il a eu l'intention. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, al-shirk, c'est le polythéisme. C'est de reconnaître, d'adorer, de vouer un culte à plusieurs divinités. Contrairement au monothéisme, lorsque on voue un culte exclusivement à une seule divinité. Donc, mono pour dire un, poly pour dire plusieurs. Comme à titre d'exemple, on dit monogamie pour celui qui a une épouse et polygamie pour celui qui a plusieurs épouses. Donc le polythéisme, c'est qu'il y ait plusieurs divinités, plusieurs adorés. Même si Allah est adoré, mais on a associé à Allah d'autres divinités. Cela, c'est du polythéisme et il est rejeté. Et celui qui est accepté, c'est le monothéisme pur. Adorer Allah seul, qui est la véritable divinité, sans rien lui associer. Ar-riya, c'est l'ostentation. C'est ce qu'on appelle le polythéisme mineur. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. Qila wa ma ash-shirk al-asghar ya Rasulallah, qala ar-riya. Lorsque le prophète alayhi wa sallam dit à ses compagnons, la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le petit polythéisme ou le polythéisme mineur. On a dit, et qu'est-ce que le polythéisme mineur au messager d'Allah? Il répondit, c'est l'ostentation. Qu'est-ce que l'ostentation? C'est d'accomplir une action pour Allah. C'est ce qui la différencie d'un grand polythéisme. C'est que l'action à la base, tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à l'intérieur de cette action que tu es en train d'accomplir, tu l'embellis, tu l'améliores pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu as nuit à ton action qui à l'origine elle était pour Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, quelqu'un qui veut faire 2 rak'at par exemple. Donc il arrive et il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après son takbir, il entend du bruit et il voit des gens arriver. Il n'avait pas l'intention de rester longtemps dans sa prière. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien rallonger sa prière, ses recours, ses soujouds, pour que les gens le voient prier ainsi. Donc, cette action-là, qui s'est rajoutée à cette prière de base, c'est ce qu'on appelle l'ostentation. C'est pour rien, pour que les gens te voient. Pour que les gens te voient. Wa sum'a, c'est pour qu'on parle de toi en bien. On te cite en bien. On répète ce que tu as accompli comme bonne action. Hein, pour que tu entendes des bonnes choses. Ar-riya, pour qu'on te voie. As-sum'a, pour que tu entendes des bonnes paroles te concernant. Et tout cela est interdit. Et cela fait que cette action, dedans, tu as introduit un polythéisme qui est mineur. Ce n'est pas le polythéisme qui est majeur. Le polythéisme majeur, il annule toutes les œuvres que tu as accompli. Tu sors de l'islam avec. Le polythéisme mineur, tu gardes le bénéfice de tes œuvres, mais cette œuvre-là dans laquelle il y a eu l'ostentation, eh ben tu la perds. Tu perds la valeur de cette œuvre-là. Tayyib. Et c'est contraire à la sincérité totale pour Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amma ash-shartu ath-thani, mais concernant la deuxième condition, فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. La deuxième condition, sa signification, sa définition est que l'œuvre qu'on accomplit, avec laquelle on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit en conformité, en concordance avec ce qu'Allah a légiféré dans son livre, où cela nous a été démontré, clarifié par son messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa tradition. لأن ديننا الإسلامي قد أكمله الله تعالى قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. Car notre religion musulmane, notre religion islamique, Allah تبارك وتعالى l'a parachevée, l'a terminée avant que le messager سبحانه وتعالى ne rejoignent son Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire avant la mort du prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam n'a quitté ce monde que lorsque la religion a bien été transmise complètement, elle a été parachevée. On n'a plus besoin, il nous est interdit d'y rajouter quoi que ce soit ou d'y enlever quoi que ce soit. L'islam, c'est l'islam comme cela nous a été enseigné par le prophète Mohammed a.s., comme cela nous a été transmis par ses compagnons radiallahu ta'ala anhum. On y enlève, ce n'est plus cet islam. On y rajoute, ce n'est plus cet islam. C'est autre chose. L'islam en lui-même, c'est l'islam qu'a vécu le prophète a.s. ainsi que ses compagnons radiallahu ta'ala anhum. فَلَيْسَ هُوَ بِحَاجَةٍ إلى من يزيد وينقص فيه. Donc il est nullement dans le besoin, l'islam n'est nullement dans le besoin qu'une personne vienne y ajouter quoi que ce soit ou y enlever quoi que ce soit. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Le Très-Haut nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous, j'ai terminé pour vous votre religion, et je vous ai comblé de mes bienfaits, et j'agrée l'islam pour vous comme religion. وَقَدْ جَاءَتْ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ تَأْمُرُ بِالْإِتِّبَاعِ وَتُحَذِّرُ مِنَ الْإِبْتِدَاعِ وَالْإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ. Et beaucoup de textes religieux nous sont venus qui ordonnent le suivi et qui mettent en garde contre l'innovation et contre le fait d'inventer une chose dans la religion. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah le Très-Haut dit dans le sens du verset, certainement il vous a été donné dans le messager d'Allah un très bon exemple, un exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se rappelle abondamment Allah. Wa qala ta'ala wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Et le Très-Haut nous dit dans le sens du verset, et ce que le messager vous donne, prenez-le, ce que le messager vous ordonne, accomplissez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Et le Très-Haut nous dit dans le sens du verset, dit, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Ce verset, les ulama l'appellent le verset de l'épreuve, parce qu'à Médine il y avait des tribus juives et ils prétendaient l'amour d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ce verset coranique, le verset de l'épreuve. Vous prétendez l'amour d'Allah, prouvez-le. Que ce ne soit pas qu'une parole qui sort de votre bouche, que ce soit une réalité. Allah leur dit, si vraiment, ô Mohammed, dis-leur. Abu Daoud wa Ibn Majah fi sunanayhima. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai laissé entre vous deux choses. Tant que vous y attachez, tant que vous y cramponnez, jamais vous ne serez égarés. Le livre d'Allah et ma sunna. Rapporté par l'imam Malik rahimahullah dans Al-Muwatta, ainsi que Abu Daoud et Ibn Majah rahimahumallah dans leur sunan. Et à la fin de ce hadith, le prophète sallam il dit: et ils ne se sépareront jamais. Le Coran et la sunna, ils sont liés, ils vont ensemble. Le Coran et la sunna, ils vont ensemble et ils ne seront jamais séparés jusqu'à qu'ils soient présentés à moi devant le Haoud, qui est le bassin du prophète alayhi salatu wassalam, qui est le bassin du prophète alayhi salam le jour du mois dernier. C'est-à-dire que lui seront présentés le Coran et la Sunna. Donc c'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps, le Coran et la Sunna sont indissociables et ils vont ensemble. Contrairement aux sectes égarées qui dénigrent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rabaissent de leur valeur en prétendant qu'ils suivent convenablement le Coran et qu'ils sont capables avec la langue arabe de déduire et de découler toutes les règles du Coran directement, et que la sunna, dedans il y a l'authentique, le faible, l'inventé, alors que le Coran il est complètement authentique. Wal'iyadhu billah, ce sont des sectes égarées. La sunna, Allah tabaraka wa ta'ala s'est pris garant de préserver, de protéger le Coran. La préservation du Coran n'a pas été laissée entre les mains des hommes. Auparavant, Allah subhanahu wa ta'ala prenait l'engagement des savants de chez les juifs et les chrétiens de préserver les livres sacrés, mais leurs mains ont participé à l'écriture et ils ont rajouté, enlevé comme bon leur semblait, wal'iyadhu billah, et ils ont déformé et altéré les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis ils disent: ceci provient d'Allah, pour y gagner un vil prix de ce bas monde. Malheur à eux pour ce qu'ils ont écrit, et malheur à eux pour les gains qu'ils ont gagnés. Alors que le Coran, Allah il dit: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui le protégerons, qui le préserverons. Et pour la sunna, Allah tabaraka wa ta'ala met à toute époque des hommes qui prennent cette lourde charge de préserver les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Ils étudient ces hadiths, ils étudient les chaînes de narration et ils distinguent pour la communauté ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qui est faible. Donc tout cela est préservé. Pas comme certains qui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui font passer le raisonnement au-dessus de la législation, al-iyadhu billah. Et l'un des maîtres de cela, c'est un contemporain qui est mort il y a maintenant un peu plus de 15 ans, Mohamed al-Ghazali, l'Égyptien, qui, lorsque parfois dans ses écrits, il parle du Coran, il insinue dedans, et il fait comprendre que le Coran, c'est le seul qui n'a pas été touché, c'est le seul qui n'a pas été altéré, c'est le seul qui a été rapporté par beaucoup de nombres, de génération en génération, c'est le seul dans lequel il n'y a aucun doute. Il fait allusion par là au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, comme quoi ce n'est pas le même cas. Et il en est même arrivé à écrire dans certaines de ses introductions, lui-même il le reconnaît en disant: il m'arrive de me servir de hadith parce qu'ils sont en concordance avec mon raisonnement, alors que chez les savants du hadith ils sont faibles. Et il m'arrive de ne pas prendre des hadiths parce qu'ils sont en contradiction avec mon raisonnement, même s'ils sont dans le Bukhari et Muslim. Wal'iyadu billah. Allahul Musta'an. Il y a des gens qui sont égarés par l'ignorance, avec l'ignorance. Et il y en a qui sont égarés sur une science. Donc le fait de dire parfois, mais un tel il est savant, ou un tel il a du savoir, ça c'est une chose. Mais après d'être dans la droiture, c'en est une autre. Shaitan, il connaît Allah. Shaitan, il sait qu'Allah c'est son Seigneur. Et lorsqu'il parle à Allah, il dit mon Seigneur. Mais il a été égaré par sa désobéissance et par l'orgueil qu'il a eu au lieu d'obéir à son Seigneur et de se prosterner pour Adam alayhi salam lorsque l'ordre lui fut donné. Donc il y a des gens qui sont égarés sur une science. Et c'est pour cela que la science, il faut prier à Allah qu'elle te soit bénéfique et qu'elle soit une preuve pour toi, non pas une preuve contre toi. Donc, sortons de ce que font certains, ce qu'on appelle le hors-sujet. Lorsqu'on parle des erreurs, des égarements de quelqu'un, ils disent « Ouais, mais un tel, il est savant, il a le savoir. » Comme si le fait d'avoir le savoir te mettait à l'abri de l'égarement, subhanallah. Ou alors, un tel, il est plus savant qu'un tel. Mieux vaut être moins savant et être dans le droit chemin qui mène au paradis que d'avoir beaucoup de savoir et au final se retrouver dans le feu de l'enfer. Subhanallah. Et cela n'empêche pas que dans les gens de la droiture, il y a des savants bien plus grands que ces gens-là qu'on dit qu'ils ont du savoir. Tayyib. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui invente une chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, cela est à rejeter. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم dit cela, il parle à tout le monde. C'est-à-dire, quelle que soit la personne, personne n'est en droit de ramener une chose nouvelle dans la religion. Subhanallah. Le prophète n'a pas dit, vous les gens de la masse, vous n'avez pas le droit. Mais s'il atteint tel degré, il a le droit d'inventer. Il a le droit de se faire son propre chemin. Ça, ça n'existe pas. Tout le monde est au même stade. Personne n'est en droit d'inventer quoi que ce soit dans la religion. وقال صلوات الله وسلامه عليه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Akhrajahu muslimun fi sahihih, rahimahullah. Et dans ce hadith, le prophète, alayhi salatu wa salam, dit, Allah n'a pas envoyé un prophète sans que ce ne soit un devoir pour lui, c'est-à-dire pour ce prophète, de diriger sa communauté vers ce qu'il y a de mieux, ce qu'il sait qui est un bien pour eux, et de les mettre en garde, de les avertir contre ce qui est un mal pour eux, rapporté par Muslim. Donc tout prophète alayhi salatu wassalam dirige sa communauté vers le bien et il l'avertit contre le mal. Ça fait partie de sa mission. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam, il n'y a pas un bien qui nous rapproche d'Allah et qui nous fait entrer au paradis sans que le prophète ne nous l'ait pas enseigné et ne nous ait pas dirigé vers. Et il n'y a pas un mal qui nous éloigne d'Allah et qui fait entrer dans le feu de l'enfer sans que le prophète ne nous l'ait pas, ne nous ait pas mis en garde contre cette chose-là. « فقد دلت هذه النصوص وما جاء في معناها على وجوب تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ces textes qu'on vient de voir prouvent l'obligation de suivre complètement, convenablement, de la meilleure manière, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup vont dire, ce sont des paroles simples, compréhensibles, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parce que si ça s'était bien compris des gens, on n'aurait pas des gens qui font passer des paroles d'hommes sur la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on leur dit, le prophète a dit, ils disent, oui, mais tel savant a dit. Oui, mais tel imam a dit. Oui, mais tel madhhab a dit. Jusqu'à même pas que ça. Mais au final, pour prendre la parole d'un tel ou de telle école, pour délaisser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se cherchent n'importe quel moyen de légitimer son action. Wal-iyadu billah. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il est questionné sur le hajj. Une question concernant le hajj. Et il y répond avec un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. L'homme qui l'a questionné lui dit, mais Abu Bakr et Omar ne disent pas comme ça. C'est-à-dire que Abu Bakr et Omar ont répondu autrement. Et Abdullah de regarder cet homme et lui dire, je te dis, le messager d'Allah a dit, et tu oses me dire, Abu Bakr et Omar ont dit, je crains pour vous que des pierres vous tombent du ciel sur vous. Comme punition. Subhanallah, cet homme, il s'est légitimé ou il s'est argumenté par la parole d'Abu Bakr et de Omar, les meilleurs des hommes après les prophètes. Mais ce compagnon n'a pas accepté. Quand je te dis qala Rasulullah, tu ne me ramènes pas à la parole de quelqu'un d'autre pour la contrer. Alors que dire de quiconque qui viendrait après ces deux grands compagnons radiyallahu anhuma. Al-Imam Shafi'i rahimahullah. Quelqu'un lui pose une question et il lui répond avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme lui dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? L'imam Shafi'i lui dit, m'as-tu vu sortir d'une église? Yani, tu me demandes ce que j'en pense? En tant que musulman, je te ramène la parole du prophète et tu me demandes si moi, je suis d'accord ou pas d'accord? Si je n'ai pas autre chose à dire? Yani, peut-être que tu m'as vu sortir d'une église. Tu ne sais pas que je suis musulman. Subhanallah. Ce n'est pas le comportement d'un musulman. Lorsque l'homme a demandé à l'imam Malik, rahimahullah, il lui a dit, d'où est-ce qu'on doit se mettre en état de sacralisation? Al-Ihram. Il lui a dit, depuis Dhul-Hulayfa, qui est la limite à ne pas dépasser pour les Médinois et ceux qui passent par Médine et qui ont l'intention d'accomplir le Hajj et la Umrah. C'est ce qu'on appelle Al-Miqat. Et ça, c'est un Miqat dans le lieu. Parce que le miqat, il y en a deux sortes. Il y a le miqat dans le temps et le miqat dans le lieu. Dans le temps, c'est la période où on accomplit le hajj. Et dans le lieu, c'est des endroits sur terre qu'on n'a pas le droit de dépasser lorsqu'on veut le hajj, l'umrah, sans se mettre en état de sacralisation. Dans le temps, comme a dit Allah tabaraka wa ta'ala, الحج أشهر معلومات. Le pèlerinage, c'est dans des mois bien précis. Ce n'est pas quand la personne elle veut. Non, ce sont des mois bien précis. Et ces mois bien précis, c'est le mois de Shawwal, le 10e mois du calendrier lunaire, le mois de Dhul-Qi'da, le 11e mois, et le mois de Dhul-Hijja, le 12e mois. C'est-à-dire qu'après le mois de Ramadan, le premier jour de Shawwal, c'est le jour de l'Eid, Eid al-Fitr. On entre dans les mois de pèlerinage. C'est-à-dire que quelqu'un peut partir depuis ce jour à la Mecque et avec l'intention d'accomplir le pèlerinage. Soit il va faire un des rites, hein, parce que les rites il y en a plusieurs, al-tamattu' wal-qiran wal-ifrad. S'il fait le qiran, l'ihram qu'il va mettre, l'intention qu'il va mettre, il doit le garder jusqu'à finir le pèlerinage. C'est long. S'il fait le tamattu', il fait la umra, il se désacralise et il se sacralisera à nouveau pour le pèlerinage. Mais s'il est parti pendant le mois de Ramadan et il a fait la umra et il dit je ne fais plus rien jusqu'au Hajj et ça sera considéré comme at-tamattu', c'est possible? Est-ce que c'est possible? Non, c'est bien. Non, pourquoi? Parce que l'ihram de la umra c'était pendant Ramadan. Et Ramadan ne fait pas partie des mois du pèlerinage. Donc il faut qu'il soit dans la période. Dans la période. Taïb. Et les rites du pèlerinage en lui-même, c'est en des jours bien précis. Qui commencent le 8 de Dhul-Hijja et qui se terminent au plus tard, le 13 de Dhul-Hijja, au plus tôt, le 12 de Dhul-Hijja. 5 ou 6 jours au maximum. Ce sont les jours exacts du pèlerinage. Taïb, ça c'est pour le temps. Les lieux nous ont été montrés par le prophète alayhi salatu wassalam. Ceux qui passent de Médine ou les Médinois, c'est Zulhulayfa. Hein, c'est pas très loin de la ville de Médine. Maintenant qu'il y a des agrandissements, on fait même plus la différence puisqu'il y a des habitations partout. C'est à la sortie de Médine en direction de la Mecque. C'est Zulhulayfa al-Miqat. Ceux qui viennent de l'Irak, les Irakiens, ceux qui passent par l'Irak, Zatou Irq. Ceux qui viennent de Najd, ici il est voulu Riyad, sa région, et les pays avoisinants qui passent par cette région-là, c'est Qarnul Manazil. Ceux qui viennent du sud, du Yémen, les Yéménites, et ceux qui passent par le Yémen, ça sera Yelemlem. Ceux qui viennent de Shem, le Proche-Orient, Liban, Palestine, Jordanie et la Syrie, toute cette région qu'on appelle Shem, et ceux qui passent par Shem et qui descendent en longeant la mer Rouge, ceux-là, leur miqat, c'est Al-Juhfa, qu'on appelle aussi Rabah. Tayyib. Donc, l'imam Malik, rahimahullah, il est questionné par un homme dans la mosquée du prophète alayhi salam, car l'imam Malik était de son vivant l'imam de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit d'où est-ce que je dois me mettre en état de sacralisation? Il lui répond depuis Dhul-Hulayfa. Cet homme a dit je veux me mettre en état de sacralisation depuis la mosquée, c'est-à-dire qu'il veut rajouter une distance. L'imam Malik lui a dit ne le fais pas, car je crains pour toi le trouble et la discorde. Cet homme dit, mais quel trouble et quelle discorde il y a en cela? Ce n'est que des milles ou des kilomètres dans notre langage d'aujourd'hui, des kilomètres que je rajoute pour me rapprocher plus d'Allah. C'est-à-dire, au lieu de commencer à me mettre en état de sacralisation, dans cette action de ibad, depuis Dhul-Hulayfa, je commence bien avant. Comme ça, je suis en état de ibadah bien avant. Hein, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils pensent que la religion, c'est toi qui penses. Ils vont dire, ben, il n'y a pas de mal. Et qu'est-ce qu'il a fait comme mal? Le mal, c'est qu'il a inventé. Et inventer, c'est grave. C'est pire que les péchés. Car il innove dans la religion d'Allah. Pensez-vous que le prophète, alayhi salam, nous a précisé des endroits par amusement, wal'iyadu billah. Lui qui transmet le message de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, puis ces gens viennent prétendre l'amour du prophète et prétendre que ceux qui s'attachent à la sunna n'aiment pas le prophète, subhanallah. On va dire à celui qui cherche à ressembler au prophète, à agir comme a agi le prophète et à aimer ce que le prophète aimait, on dit lui, non, il n'aime pas le prophète. Et celui qui n'obéit pas au prophète et qui laisse les hadiths passer devant lui et qui les contredit pour les paroles d'un tel ou d'un tel, celui-là, ah oui, lui, il aime le prophète. Subhanallah, mais c'est ajib, c'est étonnant comment les gens, ils agissent. Donc l'imam Malik, rahmatullah, lui dit, je crains pour toi la discorde et le trouble. Cet homme a dit, mais quelle discorde, quel trouble il y a en cela? Ce n'est qu'une distance que je rajoute pour plus me rapprocher d'Allah. Et il lui dit, rahimahullah, je crains que ce verset te touche. Puis il récita le verset où Allah dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, de l'ordre du prophète alayhi salam, qu'un trouble, qu'une discorde ne les touche, ou un châtiment douloureux. Ô un tel, crois-tu que tu as été spécifié d'une chose dont le messager n'a pas été spécifié? Crois-tu qu'il t'ait donné une chose qui n'a pas été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam? T'as fait une découverte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseignée? Sache que ce qui n'était pas une religion à leur époque ne sera pas une religion aujourd'hui. Et les derniers de cette communauté ne pourront réussir qu'avec ce avec quoi ont réussi les premiers de cette communauté. Et l'imam Malik rahimahullah a dit, celui qui prétend que dans la religion, dans l'islam, il y a des bonnes innovations, aura prétendu que le messager a trahi le message. Celui qui dit qu'il y a des bonnes innovations dans la religion, cela vaut, équivaut, égal, le fait de dire que le prophète a trahi le message. C'est-à-dire que le prophète n'a pas tout transmis. Wal'iyadu billah. Et il a dit, récitez, si vous voulez, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. Aujourd'hui, j'ai parachevé, j'ai terminé pour vous la religion, votre religion. Je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée pour vous l'islam comme religion. وَأَنَّهُ لَا قَبُولَ لِعَمَلٍ بِدُونِ ذَلِكَ. Et on y comprend de ces textes que l'œuvre ne peut être acceptée sans cela, c'est-à-dire sans ces deux conditions. مَهْمَ كَانَ ذَلِكَ الْعَمَلِ, quelle que soit cette action. وَقَدْ أَحْدَثَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُمُورًا ظَنُّوهَ مِنَ الدِّينِ وَهِيَ لَيْسَتْ مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ. Et les musulmans ont inventé beaucoup de choses qu'ils ont considérées comme étant de la religion, alors qu'en réalité, cela ne fait pas partie de la religion. إِنَّمَا هِيَ بِدَعْ إِسْتَحْسَنُوهَا. Mais ce ne sont que des innovations qu'ils ont considérées comme bien. وَظَنُّوا أَنَّهَا تُقَرِّبُهُمْ إِلَى اللَّهِ. Et ils ont prétendu et pensé que ces actions qui sont des innovations, elles les rapprochent d'Allah. تاركين هذه النصوص وراء ظهورهم. En faisant cela, ils ont délaissé des textes derrière leur dos. وكأنهم لم يسمعوا بها. Et c'est comme si ils ne les ont jamais entendus. ومن أمثلة ذلك ما أحدثوه من أدعية وأذكار وابتهالات يتغنون بها بعد كل صلاة وفي أوقات معينة وقد تركوا تلك الأذكار التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة. À titre d'exemple de ce qu'ils ont inventé et ramené dans la religion alors que cela n'en fait pas partie, des invocations et des rappels et des prières qu'ils chantent après chaque prière, et à des moments ou des heures précises, et au même moment, ils ont délaissé les rappels et les invocations qui nous ont été démontrés par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à dire après chaque prière. بَلْ إِنَّهُ عَلَّمَ أُمَّتَهُ أذكاراً لجميع الأوقات. Plus que cela, le prophète a enseigné à sa communauté les invocations et les rappels à dire en tout moment et en toute heure. فَعَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ بَيْتِهِ وَعِنْدَ رُجُوعِهِ إِلَيْهِ وَمَا يَقُولُهُ عِنْدَ النَّوْمِ وَمَا يَقُولُهُ عِنْدَ الْإِسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ. Il enseigne aux musulmans ce qu'il doit formuler, ce qu'il doit dire lorsqu'il sort de sa maison et lorsqu'il y retourne, c'est-à-dire lorsqu'il rentre dans sa maison, et lorsque il veut dormir et lorsqu'il se réveille du sommeil. وقال صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أخرجه البخاري في صحيحه رحمه الله. Et le prophète sallam a dit, certes, je demande à Allah le pardon et je me repens à lui dans la journée plus de 70 fois, rapporté par al-Bukhari dans son authentique. وقال الله تعالى مبينا عمل أولي الألباب فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous démontre les actions de ceux qui sont dotés de raison lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, ceux qui se rappellent d'Allah lorsqu'ils sont debout, lorsqu'ils sont assis et allongés sur leur côté, et ils méditent sur la création des cieux et de la terre en disant: notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, éloigne-nous ou épargne-nous le châtiment du feu de l'enfer. فبينت الآية أن هؤلاء يذكرون الله في جميع أحوالهم. Donc ce verset nous montre que ces personnes citées dans le verset se rappellent Allah dans tous leurs états et dans toutes leurs situations. ومن ذلك إحداث أعياد معينة في أوقات مخصوصة غير الأعياد المعروفة في الإسلام. Et ils ont inventé même des fêtes précis, en des heures et de moments précis, en dehors des fêtes connues dans l'islam. وَالَّتِي هِيَ عِيدُ الْفِطْرِ وَعِيدُ الْأَضْحَى وَعِيدُ الْأُسْبُوعِ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. Et en islam, les seules fêtes connues, c'est la fête de la rupture du jeûne, Eid al-Fitr, et la fête du sacrifice, Eid al-Adha. Et on a une journée de fête hebdomadaire dans la semaine qui est le vendredi. وما عدا ذلك من الأعياد فهي أعياد جاهلية. Et tout ce qui est en dehors de ces fêtes, ce sont des fêtes de l'ère pré-islamique, de l'ère de l'ignorance. وما أحدث فيها من العبادات فهي مردودة. Et ce qu'on a inventé comme adoration dans ces fêtes inventées sont rejetées. فينبغي للمسلمين أن يتركوها وأن يقتصروا على ما ثبت في الكتاب والسنة. Donc il est un devoir, une obligation pour les musulmans de délaisser ces choses-là et de se limiter, de se contenter de ce qui a été authentifié dans le livre et dans la sunna. وَلَنَا فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Et nous avons dans les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ, un très bon exemple à prendre. فَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حينما سمع أن جماعة يجتمعون بعد صلاة المغرب من كل يوم ويرددون التكبير والتهليل والتسبيح بصوت جماعي جاء وأنكر عليهم وقال والله لقد جئتم ببدعة ظلما وفضلتم أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم علما. أخرجه الدارمي وأبو نعيم رحمهما الله. Il est rapporté d'après le grand compagnon, le sixième à avoir embrassé l'islam, le premier à avoir récité le Coran à voix haute devant la Kaaba, un homme qui était petit de taille et qui avait les jambes fines et arquées. Un jour, il était sur un palmier et les sahabas regardaient ses mollets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit : vous êtes étonnés de la finesse de ses mollets ? Ah, vous regardez parce que vous êtes étonnés. Car moi, tellement qu'elles sont fines. Il a dit, elles sont auprès d'Allah, sur sa balance, bien plus lourdes que toute la montagne d'Uhud. Abdullah ibn Mas'ud, dont a dit, Omar ibn Khattab, il était petit de taille, mais c'était un récipient rempli de science. Radiallahu ta'ala an, Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il était l'émir de Al-Kufa, le gouvernant de Al-Kufa, la ville qui est en Irak, qui était la capitale musulmane après Médine, lorsque Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, celui à qui Allah a donné un instrument parmi les instruments de la famille de Daoud, alayhi salam, tellement qu'il récitait le Coran avec une belle voix, lorsque le prophète Hassan s'est arrêté devant sa porte un soir pour écouter sa récitation, et lui ne le savait pas, le lendemain, le prophète Hassan lui a dit, si tu m'avais vu devant ta porte en train d'écouter ta récitation, Abu Moussa al-Ash'ari a dit, si j'avais su que tu étais là, j'aurais encore récité meilleur, j'aurais encore plus embelli ma voix. Radiallahu an. Abu Moussa al-Ash'ari, qui est l'ancêtre de Abu al-Hassan al-Ash'ari, dont les Ash'arites se disent qu'il s'affilie à lui dans l'aqidah, alors que lui-même, il s'en est repenti, rahimahullahu ta'ala. Abu al-Hassan al-Ash'ari, c'est un descendant de Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu. Abu Moussa al-Ash'ari entre dans la mosquée de l'Koufa et il voit ces gens assis en cercle avec un leader qui leur dit, après Salat al-Maghrib, dites 100 fois Subhanallah. Et il commence à dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, à haute voix, d'une même voix. Alhamdulillah 100 fois, Allahu Akbar 100 fois. Abu Moussa al-Ash'ari voit une chose, une action qu'il n'a jamais vue. C'est quoi qu'il n'a jamais vu? Il n'a jamais vu quelqu'un dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar? Ah, vous répondez pas? Non, il a déjà vu. Et lui-même, il le dit. Et le prophète nous a dit de le dire. Ce n'est pas ça. Ça, c'est une réponse à ceux qui disent, vous nous interdisez de dire Subhanallah, Alhamdulillah. Mais jamais. Mais la façon que vous le faites, et les heures que vous précisez, et le moment et les lieux que vous précisez, c'est ces actions-là qui sont à revoir. Subhanallah. C'est ça qui a été inventé. Là, l'action de ces gens-là, c'est quoi qui a été inventé? C'est de se réunir pour le faire. Et de le faire en groupe. Et d'attendre l'ordre donné par un leader. Et de le faire d'une même voix. Donc ils voient ça. Mais au lieu de les réprimander, ils préfèrent laisser cela au gouvernant de Al-Kufa, et qui est plus savant que lui, Abdullah ibn Mas'ud. Donc il va à la rencontre d'Abdullah ibn Mas'ud et il lui en parle. Et ibn Mas'ud vient et il est rapporté qu'il s'est couvert le visage avec le turban en laissant que ses yeux apparaître. Et il est rentré jusqu'à voir ce qu'ils font. Lorsqu'il les a vus agir ainsi, il s'est découvert et il leur a dit, je suis Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et je prie Allah que vous ne perdiez pas vos récompenses. Et ils lui ont dit, ô père de Abdurrahman, leur leader a dit, ô père de Abdurrahman, nous n'avons voulu que le bien. La réponse de beaucoup, heureusement que les gens veulent du bien. Parce qu'il ne manquerait plus qu'ils veulent le mal. Mais vouloir le bien à lui seul ne suffit pas. Vouloir le bien ne légitime pas l'action et ne rend pas la chose religieuse. Subhanallah. Et Abdullah leur a dit, et combien en voulant le bien ne l'atteignent pas? Vous agissez ainsi, vous commencez déjà à vous égarer, alors que les vêtements du prophète sont encore là, n'ont pas encore été usés, et que ses ustensiles n'ont pas encore été cassés. C'est il n'y a pas très longtemps qu'il nous a quittés. Vous commencez déjà. Alors là, c'est soit vous avez été préféré aux compagnons du message d'Allah dans la science. Vous avez atteint une science que les compagnons n'ont pas eue. Subhanallah. Alors que eux, s'ils sont musulmans, c'est par le biais de qui? Les tabi'in, c'est par le biais de qui? Qui est la cause de leur islam? C'est les compagnons. Qui leur a enseigné l'islam? C'est les compagnons. Qui leur a transmis le Coran? C'est les compagnons. Qui leur a transmis les hadiths? C'est les compagnons. Mais là, ils viennent d'inventer une chose que les compagnons n'ont pas transmise. Le rapporteur, et donc il les a réprimandés, le rapporteur de ce récit, qui est dans Sunan al-Darimi, est rapporté par Abu Nu'aym dans le Hilya, rahimahumallah, il dit, tous ces gens-là qui n'ont pas voulu écouter Abdullah ibn Mas'ud, là quelqu'un va dire, ouais, mais c'est pas très grave, ce qu'on entend souvent. Voilà, c'est très bien, mais la prochaine fois, il faut se taire. Donc, ces gens-là qui n'ont pas voulu écouter Abdullah ibn Mas'ud, il a dit quoi le rapporteur? Le jour de la bataille de Nahrawan, entre les Sahaba et les Tabi'in, contre le Khawarij, ceux qui ont rendu mécréants les compagnons, qui leur ont transmis le message, subhanallah. Il a dit, on les a tous vus dans les rangs des Khawarij. Les ulama, ils disent, lorsque tu t'éloignes, au début, tu n'es pas très loin de la vérité, mais tu ne sais pas où cela va t'amener. Et un petit égarement t'amène vers un grand égarement. Qu'Allah nous en préserve. Donc, il aura réprimandé ses actions et cette façon de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas connue. Auprès de qui? Il faut bien préciser. Parce que des fois, ils te disent quoi? Tu viens ramener une sunna, ils disent, ah, on ne la connaît pas. Ah, nous, quand on était petits, on ne connaissait pas ça. Non, non, ce n'est pas ça qui est pris en compte. Elle n'était pas connue auprès des compagnons. Radiallahu anhum. C'est auprès d'eux qu'elle n'était pas connue. Subhanallah. Et non pas des gens qui nous disent, ah, nos parents, ils ne faisaient pas comme ça. Oui, mais ce n'est pas des compagnons, tes parents. Subhanallah. Et les parents, avec tout le respect qu'on a pour nos parents, et nous aussi, on est parents, on veut que nos enfants, ils aient du respect pour nous, mais nous, en tant que personne, on n'est pas le messager d'Allah. Et on n'est pas toute la vérité. Donc, nos paroles et nos actions, on les pose sur la balance pour savoir ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qu'il y a à prendre, de ce qu'il y a à rejeter. Donc, auprès de qui? Auprès des compagnons, radiallahu anhum. Ceux qui ont rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont pris de lui, et qui ont entendu de lui. Wa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu sallam wa baraka ala muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir da'wana, an alhamdulillahi rabbil alamin.